Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Douzième épisode. Perswarden a triomphé. Mount Olive a exilé Maskelyne, qui avait dénoncé le complot copte fomenté par Nessim. Lors d'une nuit passée avec lui, Melissa a révélé à Perswarden que ce complot existait pourtant bel et bien. Et Perswarden a confié à Melissa la relation incestueuse qu'il avait unie à sa sœur aveugle, Liza. Le soir du bal masqué chez les Cervoni, Justine a demandé à Toto de Brunel de bien vouloir lui rendre un important service. Sérieusement, écoutez, j'ai un grand service à vous demander ce soir, si vous voulez bien. J'ai fait une marque à la craie sur votre manche ici derrière. Un peu plus tard dans la soirée, je vous donnerai ma bague. Je voudrais que vous la mettiez. Elle m'ira ravie. Je voudrais disparaître une heure ou deux. Ils franchirent la grille des Cervoni et presque aussitôt, en atteignant la salle de bal, leur groupe se désintégra et se fondit dans la foule. Masque contre masque, tous se trouvèrent instantanément comme gommés, plongés dans l'univers informe des rencontres fortuites. Mount Olive, c'est bien vous? Oui. Justine? Votre domino est magnifique. Et ce masque d'orgie des Alexandrins antiques, sublime. C'est l'idée de Leila. Elle en a fait la condition de notre rencontre. Je la comprends. Avec ce masque, pas un centimètre carré de peau n'est visible. Mon Dieu, Justine, quelle émotion. Oh, j'imagine. J'en suis moi-même toute retournée. L'étonnant, c'est que Leila ait demandé que ce soit moi qui vous accompagne. Elle ne m'aime pas beaucoup, vous savez. Venez, c'est l'heure. Attention, là il y a un talus. Voilà, c'est là, sur le banc de marbre, près du bassin. Je vous laisse. Restez encore un peu. Elle n'est pas encore arrivée. Déception. Sur le banc de marbre vide, ils ne virent qu'une petite pochette de soie contenant un billet où une main tremblante avait griffonné quelques mots à l'aide d'un bâton de rouge à lèvres. Au dernier moment, les nerfs me lâchent. Pardonne. Mais elle est venue spécialement de Karmabogirg pour vous rencontrer. Je n'y comprends rien. Elle a piaffé d'impatience toute la journée. Justine pressa le bras de Mount Olive avec sympathie, tandis qu'il regagnait tristement la maison, bruyante et illuminée, et croisait des silhouettes masquées dans le jardin bruissant de rire. Vous tremblez? Vous l'aimez tant que ça? Ce n'est pas ça. Il n'y a rien de charnel dans mon désir de revoir Leila, c'est autre chose. Voyez-vous, ce pays ne peut être pleinement vivant pour moi tant que nous ne nous serons pas revus. J'ai besoin de marier l'image de l'Égypte d'autrefois et celle d'aujourd'hui. Je crois que je comprends. Il était 2 heures du matin. Le feu avait pris dans une cheminée du rez-de-chaussée, sans causer d'ailleurs aucun dégât sérieux, corsant plutôt la fête. Il y eut de jolis nuages de fumée qui faisaient penser à des vapeurs de soufre jaillies d'un enfer d'opérette. Quelques instants plus tard, une sirène retentit et le hall fut envahi par d'amusantes silhouettes habillées en pompiers, munies de haches et de sceaux. Domestiques surgirent de toutes parts. J'aperçus Cervoni qui se précipitait dans l'escalier sans son masque, puis le téléphone sonna. Oui. Tout de suite. Je vais le chercher. Nessim! Nessim ! Je relevais mon capuchon, je m'approchais et demandais si tout allait bien. C'est Cléa. Elle voudrait parler à Justine. Vous savez où elle est ? Non, j'ai essayé de la repérer. Sans succès. Ah, Nessim. Allô ? Cléa ? Oui, Justine est ici, quelque part. Oui, tout à fait sûr. Non, il n'est rien arrivé. Pierre Balbs a dansé avec elle, il y a une minute. Pas de message ? Et voulez-vous que je lui demande de vous rappeler ? Très bien. Non, ce n'était qu'un feu de cheminée. Tout va bien maintenant. De toute façon, mes amis, nous avons rendez-vous dans le hall dans quelques minutes pour ôter nos masques. Il est bientôt 3 heures. Et à 3 heures précises, Justine apparut dans le hall et ôta son masque. Ma belle Justine. Nessim l'embrassa tendrement. Mon ami. Mais où est ta bague ? C'est Toto qui me l'a prise en dansant il y a quelques minutes. Et il est où, cette petite brute ? Il faut qu'il me la rende. Cléa, appelé, demanda de parler. Allô ? Cléa ? Naturellement, je vais très bien. Oui, oui, tout à fait. Bonne nuit. Ah, Pearse Warden, je ne vous ai pas vu de toute la soirée. Ma chère, bonsoir. Ah, Montolive. Comment se passe votre soirée ? Vous étiez dans le jardin. Et qui avez-vous vu, David ? J'ai vu un homme près du bassin qui parlait à l'oreille d'une femme en domino pourpre. Peut-être ses rêves se sont-ils réalisés ce soir. On le lui souhaite. Mmh. Et quoi d'autre encore ? Quoi encore ? Qu'avez-vous vu d'autre, David ? Mantolive ignorait que Justine avait mis Pearse Warden dans la confidence de son rendez-vous avec Leila. Il rougit et baissa le nez dans son verre. Je vous embarrasse, mon cher ambassadeur. Il ne faut pas. Bonsoir. Je ne peux plus garder les yeux ouverts, quoique j'ai bien l'idée que la soirée réserve encore bien des surprises. Ça ne rate jamais. Bonsoir. Je m'en vais aussi. Bonsoir. Et la suite prouva qu'il n'avait pas tort. En effet, à peine l'avais-je quitté que les surprises commençaient déjà dans la maison des Cervoni. Et ce qui arriva ce soir-là, c'est Balthazar qui me l'a pris. Darley. Darley. Réveillez-vous. Toto de Brunel est mort. Toto. Incroyable. On l'a découvert sous un amas de manteaux et de dominos dans un coin de la salle de bal. Les pattes en l'air comme deux petites côtelettes dans l'attitude d'un chien qui a roulé sur le dos pour se faire gratter le ventre. Frappé en pleine copulation, le cœur a lâché. Assassiné avec une épingle à chapeau enfoncée dans la tempe. Toto ? Assassiné ? Un amant jaloux ? Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sacré pavé dans la mare, cette affaire. Toto portait la bague de Justine. Mais alors ? C'est Justine qui était visée. C'est elle qui... Il va y avoir un procès verbal. Ils vont essayer de régler tout cela au mieux. Un seul témoin de la soirée suffira. Justine voudrait que cela soit vous. Et je pense comme elle. Il faudrait aussi récupérer sa bague. Je pris immédiatement un taxi jusqu'à la place Mohamed Ali. Et quelques minutes plus tard, je pénétrais dans les locaux de la préfecture. J'étais encore tout abasourdi par la tournure qu'avaient pris les événements et les hypothèses démoralisantes qui étaient nées dans mon esprit. C'était l'époque où la jalousie de Nessim lui faisait multiplier les avertissements et les menaces. Nessim, que je pensais jaloux de moi, alors que son véritable rival était Pearse Warden. Nimrod, le chef de la police, s'était chargé personnellement de l'affaire. Peut-être pourrez-vous nous aider à identifier les personnages. Regardez ces photographies. Je tournais docilement les yeux vers les images où se démenaient des douzaines de moines déments qui se contorsionnaient dans une immobilité hallucinante. Nimrod me montrait les photographies, lentement, en s'attardant longtemps sur chacune. Et celle-là, pas de commentaire ? Toujours pas de commentaire ? Et celle-ci ? Rien ? Ah, voilà, celle avec la bague. Regardez bien. Un groupe de silhouettes encapuchonnées se donnait le bras en se trémoussant frénétiquement, pareil à ces monstres grotesques que l'on aperçoit parfois dans la pénombre glauque d'un aquarium. Une des silhouettes avait une main posée sur la manche noire de sa voisine. Un doigt était rayé d'un éclair blanc qui pouvait passer pour la bague tragique de Justine. On distingue bien 5 masques quelque part près du buffet. Mais la main, est-ce celle de Brunel ? Qu'en pensez-vous ? C'est possible. Justine porte sa bague à un autre doigt. Ah. Voilà un point important. Oui, mais impossible d'identifier les autres. Tant pis. Signez ici, au bas de cette page. À côté des feuillets dactylographiés se trouvait une feuille manuscrite de l'écriture nerveuse et sans caractère du général Cervoni. C'était la liste des invités du bal. Je prononçais doucement chaque nom, en y accolant mentalement le mot « assassin » pour voir s'il semblait lui convenir. Ce n'est que lorsque j'arrivais au nom de Nessim que je m'arrêtais et levais les yeux vers le mur sombre pour y projeter son image mentale et l'étudier comme nous avions étudié les photos. Je revoyais son expression au moment où il quittait la demeure des Cervoni. Une expression empreinte d'une sérénité étrangement malicieuse, comme un homme qui se détend après une grande dépense d'énergie. Le dénouement de cette histoire, c'est Cléa qui me l'offrit à quelque temps de là. C'était l'après-midi du jugement du procès de Amar, l'amant de Toto de Brunel, suspecté du meurtre. On l'avait acquitté, faute de preuves. Oh, ce jugement m'a sauvé d'une véritable crise de conscience. Je n'aurais vraiment pas su quoi faire si Amar avait été condamné. Voyez-vous, Darley, ce n'est pas lui. Comment le savez-vous ? C'est que mon cher, je connais le coupable et son mobile. C'est Nessim, n'est-ce pas, Cléa ? C'est une histoire d'Alexandrie. Est-ce que je vais vous la raconter ? Seulement si vous gardez le secret, vous me le promettez ? Ah. Très bien. Écoutez donc. Le soir du carnaval, j'étais dans mon lit, à lire et à fumer. Je déteste ce soir-là, je ne sors jamais. Il y a eu soudain le bruit d'une course effrénée. Jamais je n'avais entendu courir aussi vite ni aussi légèrement. Il n'y a que le danger, la terreur ou le désespoir qui peuvent pousser quelqu'un à courir à une allure aussi folle. Les pas dévalaient la rue Fouade. Ils ont ensuite tourné vers la rue Saint-Saba. Ils ont traversé, se sont arrêtés, ont traversé encore. Puis la sonnette a retenti. Il y avait une ombre derrière la vitre de la porte, mais le verre était trop épais pour que je puisse reconnaître l'homme qui se tenait là. Il haletait. Qui est là ? Cléa, c'est moi, Narouz. Qui ça ? Narouz Osnani, le frère de Nessim. Ah, oui. Bien sûr, Narouz. Avec le domino, je ne vous ai pas reconnu. Entrez. Entrez, je vous en prie. Cléa, je suis venu vous dire que je vous aime et que j'ai tué Justine. Quoi ? Oh, Cléa, si vous saviez quelle torture c'est ! Levez-vous donc. Levez-vous, venez. C'est arrivé sans que je m'en rende compte. On dansait. Elle a posé la main sur moi, Cléa. Elle m'a fait des avances. Vous en êtes sûr? C'est horrible. La femme de Nissim. Calmez-vous. Je vais leur téléphoner. Allô? Je voudrais parler au général Servoni, je vous prie. J'attends, merci. Je suis seulement venu vous dire que je vous aime avant de me livrer à mon frère, c'est tout. Quelle histoire, Cléa. L'assassin de Toto, ce serait Narus? Oui. Que l'amour est injuste et dégoûtant. Voilà que j'ai été aimée pendant Dieu sait combien de temps par un homme dont j'ignorais quasiment l'existence. J'étais furieuse, dégoûtée et blessée. J'avais l'impression que je lui devais presque des excuses tout en subissant cet amour comme un affront. Je lui ai fait boire un verre de cognac. Il s'est affalé sur le tapis et s'est assis en tailleur. Ça va mieux, enfin. Alors c'est ici que vous habitez. Je désirais tellement voir votre chambre depuis des années. Je l'ai imaginé dans tous ses détails. Justine, tu vas bien? C'est sûr. Me voilà rassurée. Oui, bonne nuit, ma chère. Voilà, Narus. Vous avez peut-être tout imaginé? Rentrez chez vous. Et ne parlez de cette affaire à personne. Mais... il vaut mieux. Vous imaginez, Darley, le soulagement de Narus. Quand il a entendu la voix rauque de la femme qu'il pensait avoir tuée, il s'est mis à trembler de tous ses membres, comme un grand chien. Il s'est mis à étreindre mes pantoufles et à les couvrir de baisers. Puis il est parti. Lentement, un pas lourd, encore tout bouleversé par son aventure. Avant de partir, il m'a pris la main et il y a déposé de gros baisers humides et piquants. Je sens encore sa bouche sur ma peau. Avant de s'enfoncer dans la nuit, il m'a dit « Cléa, c'est le plus beau jour de ma vie de vous avoir vu et touché et d'avoir vu votre petite chambre. » Oh. Ah, ces baisers, cet horrible bec de lièvre. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. 12e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, David Jesselson, Mount Olive, Thibaut Vincent, Perswarden, Mohamed Rouabi, Narus, Vanessa Larré, Cléa. Et les voix de Alexandre Donders, Mahmoud Saïd, Julien Cibre, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.